Et celui qui nous parlera, eh bien, c'est Raymond Poirier pour parler technologie de l'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et on commence encore une fois par notre belle ville de Québec, un lancement de l'application Découvrir Québec. Oui, en fait, je ne sais pas si les auditeurs ont vu ça passer au cours de la semaine dernière. Une belle, belle application qui a été lancée. On en avait déjà glissé d'ailleurs quelques indices au fil des chroniques, dans la mesure où c'est une réalisation de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, dont on avait mis de l'avant différentes réalisations, c'est eux notamment qui font l'encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Et justement, ben, ceux qui ont consulté le site amériquefrançaise.org savent déjà que cette chaire-là a fait sur le terrain, a fait au niveau historique une grosse recherche documentaire, une grosse recherche d'objets et d'éléments visuels aussi, photos, panneaux, photographies, vidéos à 360 degrés, etc., etc. Donc, c'est quand même assez massif. Et dans le fond, ils ont décidé, il y a de ça quelques années, de développer justement un projet d'application mobile. Évidemment, c'est toujours un défi quand on développe une application, il faut rester à la page, voire même aller un peu au-delà de ce qui se fait si on veut innover. Et ils ont décidé donc rien de moins que de faire l'application sur le patrimoine dans laquelle on a le plus important nombre, la plus grande quantité de matériel à saveur multimédia. Donc un peu comme ils avaient fait pour le web, ben, ils le font pour le mobile. Mais évidemment, un matériel qui passe bien sur le web n'est pas nécessairement un matériel qui passe bien sur le mobile. Donc il a fallu qu'ils développent des nouveaux contenus, qu'ils adaptent des contenus aussi pour vraiment offrir une expérience entière à ceux qui vont télécharger cette application, qui est gratuite d'ailleurs, incidemment. Donc, c'est une application qui est utilisable sur téléphone intelligent, sur iPod, sur iPad. Il y aura également une version Android qui s'en vient. C'est un peu incontournable si on veut rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Et essentiellement, Tania, c'est on pourrait dire que c'est le guide touristique 21e siècle. Carrément, oui. Dans la mesure où on veut faire une expérience de visite qui est assez ludique, une navigation qui est très facile, en fait, je l'ai essayé, puis effectivement, c'est extrêmement instinctif. En fait, il y a deux quartiers qui sont disponibles pour l'instant. On peut télécharger Saint-Roch, on peut télécharger le Vieux-Québec, et donc on va ensuite aller naviguer justement à l'intérieur de ça. On va consulter à peu près 96 points d'intérêt qui ont été choisis par les historiens, par les muséographes, les ethnologues de la chaire, et à partir de ça, on va avoir accès à des textes de 75 mots d'abord, éventuellement, si on veut aller plus loin dans l'application, on a accès à des textes de 350 à 500 mots, donc à peu près 250 pages de livres d'histoire qui est disponible là-dessus. Dans certains cas, on clique et on a des témoignages audio, comme par exemple, si on va se promener dans le coin de la terrasse du train, que ce soit virtuellement ou sur place avec l'application, eh bien là, on a accès à un témoignage verbal du chef archéologue qui a mené les fouilles. Si on veut aller chercher du témoignage vidéo, ben par exemple, dans Saint-Roch, ils ont été rencontrés le dernier cordonnier qui parle justement de l'âge d'or de la cordonnerie dans le quartier Saint-Roch. Il y a une capsule aussi, par exemple, sur la messe de minuit à la Basilique Notre-Dame de Québec avec des extraits de la messe. Donc, la vidéo comme ça qui vient enrichir vraiment la connaissance qu'on va avoir du quartier parce que oui, c'est bien lire, oui, c'est bien voir des photos, mais en plus, quand on a accès à des gens qui vivre ce qui anime ce patrimoine-là, ben c'est encore plus intéressant. Et en plus, et ça c'est l'autre élément qu'on pourrait dire, j'ai l'original peut-être de cette application-là, qui est assez intéressant, c'est justement qu'on va pas seulement sur le patrimoine religieux ou le patrimoine bâti en général, mais qu'on va aussi sur tout ce qui est matériel. Il faut dire encore là que la chaire avait déjà développé dans le passé l'inventaire du patrimoine immatériel du Québec, en fait du patrimoine religieux entre autres. Et donc, encore là, mais il y avait du beau matériel à mettre de l'avant de ce côté-là et aussi des belles pistes de développement. Donc, c'est vraiment un bel outil. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de télécharger de ton côté, mais sincèrement, je t'encourage à le faire. C'est développé à l'Université Laval, c'est en collaboration évidemment avec la Ville de Québec qui fait un peu toute la mise en marché aussi autour de ça. C'est une application qui risque bien là, de faire son chemin dans l'esprit touristique de Québec, mais aussi pour les résidents de la ville là, qui ont envie de redécouvrir ou de pousser un peu plus loin leur connaissance de leur ville. Mais Raymond, tu disais le guide touristique du 21e siècle, est-ce qu'on retrouve des trucs comme des restos, par exemple, des cafés, ou c'est vraiment pour l'histoire et l'historique de la ville de Québec? Guide touristique, historique et patrimonial. Ah, voilà. Donc, on n'a pas le... Il y a déjà, de toute façon, des très bonnes applications qui existent au niveau de la restauration. ce qui manque parfois, c'est peut-être plus au niveau, par exemple, des connaissances du patrimoine, de l'histoire, où là, effectivement, ben, c'est cantonné à des livres ou sinon ben, à des visites guidées. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, ça vient pas non plus, on s'en cachera pas, ça remplace pas entièrement l'expérience de visite guidée, mais ça vient offrir quelque chose de plus, j'ai l'impression. Puis en même temps, c'est vraiment complet et sincèrement, des fois, j'aime bien, moi, regarder des vidéos sur YouTube, parfois en fin de soirée ou, bon, en attendant qu'un plat cuise et le reste. Donc, là, à la place d'aller faire un tour sur YouTube dans une chaîne X, Y ou Z, ben, j'ai pris le réflexe ces temps-ci d'ouvrir l'application puis de regarder des petites vidéos, c'est d'une minute, deux minutes à peu près. Donc, ça passe quand même assez rapidement. Puis c'est aussi fort intéressant. Je veux dire, en fait, c'est des petits témoignages. J'en ai même, en fait, sur le quartier techno, Saint-Roch techno, les spectacles. Il y a des trucs très, très actuels. Il y a des trucs beaucoup plus anciens aussi. Donc ça, c'est un bel équilibre. Puis c'est bien réalisé. En fait, on s'entend aussi que la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, qui est dirigée par Laurier Turgeon, travaille là-dessus depuis quand même pas mal de temps. Donc ça paraît aussi côté rendu. On parle d'un budget d'à peu près... Mon Dieu, 600 000 $, je crois, pour le développement de l'application. Alors, quand même, c'est une application qui vaut le détour. Alors, ceux qui ont un téléphone intelligent, une tablette ou peu importe, n'hésitez pas à la télécharger. En plus, c'est gratuit. Ben, il n'y a pas d'excuse. Au pire, on l'efface, tout simplement. Deuxième sujet, toujours relié à la ville de Québec, des bornes ZAP, ZAP pour Internet sans fil, liées aux caméras de circulation de la ville. Oui, ben en fait, puis je pense que c'est un truc, on vient de parler un peu de tourisme dans la ville, mais reste que justement, on a tous peut-être fait l'expérience d'autres villes que Québec, et où c'est pas toujours facile d'avoir accès à l'Internet sans fil, alors qu'ici, au contraire, il y a toujours constamment, en fait, une volonté, je pense, d'étendre le réseau. Je suis tombé là-dessus dans le soleil cette fin de semaine, où justement, là, on vient de mettre en place des nouvelles bornes ZAP Québec sur les caméras de circulation, qui sont posés sur les différentes artères du centre-ville. Donc, c'est quand même intéressant, parce que jusqu'à maintenant, c'était beaucoup dans des commerces, dans des parcs, dans des lieux publics. Mm-hmm. Et là, on dit, ben, regardez, mettons-la carrément sur des caméras de circulation. L'idée est de rendre disponible l'Internet sans fil à la population au sens large. Évidemment, il y a toujours une question, on en a parlé souvent dans les chroniques, l'idée de fraction numérique. Donc, il y a des gens qui ont, pour des raisons peut-être financières, donc qui peuvent pas nécessairement avoir facilement accès à Internet chez eux. Des points comme ça, ça démocratise justement cet accès-là. Et si on trouve justement des nouveaux lieux, des nouveaux supports pour développer ce type de diffuseur-là, ben ça permet justement à un plus grand nombre d'avoir accès à ce type de connexion, puis aux outils qui sont liés au web, évidemment. Et c'est bien pratique d'avoir un outil comme ça, par exemple, d'avoir Internet, mais d'avoir aussi soit un téléphone intelligent ou une tablette, comme on le mentionnait, pour pouvoir avoir Internet un peu partout. Et justement, les téléphones intelligents, ça sert presque plus à téléphoner, mais ça peut servir à toutes sortes de choses. Tu nous parles de biocapteurs qui transforment ces téléphones intelligents en laboratoires de poche. Oui, mais en fait, je suis tombé là-dessus sur une recherche en fait qui est menée par l'Université de l'Illinois. Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils voulaient détecter des molécules comme des toxines, des protéines, des bactéries, des virus. Et ils ont démontré que si on pousse un peu la technologie, eh bien, on pourrait simplement utiliser un téléphone intelligent, l'appareil photo qui vient avec le téléphone intelligent et les capacités de traitement de l'appareil pour transformer tout ça en mini-laboratoire. Donc, essentiellement, ce qu'on vise à faire avec ça, c'est d'autoriser un suivi sur le terrain de la contamination des eaux souterraines, d'effectuer des diagnostics médicaux immédiats et peu coûteux, ou contrôler la chaîne du froid sur place. Donc, l'idée, c'est qu'on prend des données. On va prendre par exemple, des images, des photos de pathogènes X, de molécules X d'éléments. Donc, on photographie. Et ensuite, ben avec beaucoup de photos, et avec le GPS qui vient automatiquement géolocaliser chaque photo, ben on est en mesure d'avoir une cartographie immédiate de la propagation d'agents pathogènes. Évidemment, c'est une amorce, c'est pas une finalité non plus cette carte-là, mais ça permet, parce qu'on revient toujours quand on parle de cellulaire ou des avantages justement qui sont offerts de plus en plus par les technologies utilisées du temps réel, mais ça permet dans le fond d'avoir une analyse temps réel, mais plus complète, cartographiée, qui va servir de base à une réaction rapide, qui ensuite pourra être appuyée sur le moyen terme ou le plus court terme donc d'autres types d'études qui pourront être faites. Alors, c'est quand même intéressant. Et l'idée, évidemment, c'est pas de prendre le téléphone tel quel non plus. Là, il y a des lentilles, il y a des filtres qui sont contenus généralement dans les matériaux beaucoup plus volumineux en laboratoire qui composent quand même un berceau Et c'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre le téléphone. Donc, lui va avoir accès à ce qu'on appelle un cristal photonique. Et donc, pour aller justement quand même être en mesure de prendre les photos de ces molécules, de ces agents pathogènes-là, on ne sera pas en mesure de les prendre simplement avec l'appareil lui-même. Il y a ce plus-là, mais reste que, donc pour de la recherche puis du travail terrain, quand on va avoir des réponses rapides, bien, ça devient une option qui est réellement utilisable et quand même qui permet donc d'autres pistes d'action dans la recherche autant que dans la prise de décision. Là. Ah, ça devient quand même impressionnant quand on dit qu'on peut se servir de son téléphone pour faire ça. Et Raymond, en terminant, tu nous parles de rencontres du numérique. La prochaine conférence va être le 19 septembre prochain. Oui, exactement. Puis on reste un peu dans les notions de mobilité, en fait, avec tout le potentiel offert par nos appareils. On en a déjà parlé aussi, en fait. J'ai l'impression qu'on est en début de saison, je pense, de votre côté à CKRL. On est aussi en début de saison. C'est la rentrée du côté de l'Université Laval. Donc, on lance nos activités. Et on avait déjà parlé dans le passé de l'application qui s'appelle Parallèle, donc qui permet d'apprendre en réalité augmentée les principes de l'électromagnétisme. Donc, on prend un iPad et on le met devant des marqueurs et là, subitement, il y a un cube qui apparaît, il y a des flux électriques qui apparaissent et on peut les gérer littéralement en tournant autour de cette boîte-là et le reste. Et l'idée, évidemment, c'est de présenter justement cette initiative-là au plus de gens possible parce que c'est vraiment un projet fantastique. Et on se donne une dernière opportunité de le faire. Ça va être jeudi 19 septembre à 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est dans le cadre de notre série des rencontres du numérique. Et donc, ça va être une occasion pour les gens, d'un côté, de voir comment on a développé cette application-là, cet outil-là, et de B, de jouer aussi au jeu, évidemment, et d'apprendre par le fait même les principes de l'électromagnétisme. Donc, une conférence-atelier, pourrait-on dire, donc le 19 septembre. Évidemment, on aura plus d'informations sur le site de l'ITIS. On retrouve aussi les chroniques qu'on fait ici à l'émission. Exactement, itis.ulaval.ca. Les activités électroniques, en fait, vous les trouvez en images là, sur la page d'accueil. C'est très, très facile à retracer. Hey, Raymond Poirier, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Excellent, merci. Merci, au revoir.